bonjour à tous, vous êtes sur Play FM 89.9 avec l'émission Bric-à-Brac AID et aujourd'hui nous avons un studio bien rempli. Nous avons Bruno, bonjour Bruno, de bonjour. BHF. Bonjour. Nous avons Nancy. Oui, bonjour. Nous avons Gérardine. Bonjour à tous. Nous avons notre nouveau chroniqueur Alain. Bonjour. Nous avons Jean-Paul qui est là en retrait, il observe. Et nous avons notre technicien Gilles. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bruno. Et on a notre Josie. Merci. Qui est tellement sage dans son coin que je l'avais oublié. Non, je t'oublie jamais. Je t'oublie jamais. C'est pas possible. Bon, excuse-moi. Je te dirai bonjour chaque fois. À chaque pause. Allez, Bruno. Bam. C'est bien envoyé. Ah non, je vais le faire. Non, mais excuse-moi. Bruno, donc vous avez reçu au printemps, hein, je crois. Oui, c'est ça. Voilà. Et depuis ce fameux printemps, ça fait déjà trois fois qu'on oui, on devient un petit peu partenaire maintenant. Bien sûr. Et qu'avez-vous fait depuis un grand merci à l'équipe Fly FM de nous recevoir aujourd'hui. Et grâce à vous, donc je vous le redis sur l'antenne, merci, puisque nous avons pu aller. Nous ne touchons pas terre depuis maintenant la dernière fois. Nous avons fait quelques gros événements comme le Carnaval de Nice, ensuite le Festival de Cannes, et là tout dernièrement, nous sommes allés accompagnés de Nancy. Nous avons été à la Art Monaco, qui est un rassemblement de gros designers. Donc et de mode. Donc tout ça, c'est on va dire du gros travail, mais surtout les partenaires qui nous reçoivent, qui ont la gentillesse de nous suivre, vous en faites partie. Merci. Eh ben, c'est gentil. Et ce week-end, je crois que vous avez eu une petite manifestation vers Marseille là-bas. Également le festival burlesque. Donc nous enchaînons là jusqu'au 17 décembre, nous ne touchons pas à terre. Eh ben, tant mieux, c'est bon. Et avec ma voisine de gauche, Gérardine, aussi nous avons croisé cette belle personne. Voilà, et je crois que dimanche, il y a une grosse journée pour vous tous. Oui, c'est le premier salon du mariage co-organisé avec justement ma partenaire Gérardine Mariage. J'ai eu la chance de la croiser et depuis on se quitte plus, hein, n'est-ce pas Gérardine? Si on a eu la chance de faire ce salon, c'est grâce à vous aussi, parce que moi toute seule, j'avais un peu de mal. J'en avais trouvé bien sûr, mais bon, ils m'ont fait un petit tremplin. Donc merci à vous tous, l'équipe de BHF, c'était gentil. Comment vous est venue l'idée de... Moi l'idée, il y avait un moment, je l'avais déjà cette idée. Je crois que vous avez un magasin de robes de mariée. Je vends des robes de mariée et de soirée à domicile. Je suis en micro-entreprise. Et il y a quelques temps que j'avais cette idée. Mais tout le monde me disait, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Et puis je me suis lancé ce défi, j'ai dit, il faut que tu arrives. Et puis du coup, j'ai été contactée par mal de participants, et puis dont eux qui m'ont encore un peu plus aidée. D'accord, et comment vous les avez connus? Ah, il m'a démarché tout seul. Hein. Ah. Il m'a téléphoné. Non, c'est si. Plutôt elle qui oui, a... Oui, j'ai envoyé des démarchages, Elle a envoyé un gros message Facebook. Et dans l'association, nous avons une petite fouine qui est le président, qui s'appelle Hervé Jacquet, et qui regarde à peu près au Facebook les fils d'actualité. Et il est tombé sur une annonce. Je recherche des partenaires pour organiser un salon. Donc, j'ai dit, Bruno appelle. Donc, j'ai dit, oui, je vais appeler. Et je suis tombé sur Gérardine. Et depuis, on ne se quitte plus. Bon, bah finalement, ça va finir par un mariage. Ah non, c'est trop tard, c'est prise. Je suis prise. C'est trop tard. Alors, je suis prise, c'est trop tard. Cette fameuse journée va avoir lieu le 13 novembre à la salle La Maëlia à L'Oriole du Comtat. Oui, et c'est dimanche. Et ça commence à 10h pour les participants, non, c'est 8h, mais 10h pour les publics. Et c'est entrée gratuite et ouvert à tous. Voilà, c'est très bien. Si vous vous ennuyez, si vous avez un passe-temps, voilà, ça sera pas mal. Si vous avez envie de vous marier, même au printemps, voilà, même l'année prochaine, même pourquoi pas, ça donne des idées. Vous venez. Et donc, c'est de 10h à 18h30. Voilà. Voilà. Et il y a le parking. Parking, et il y aura des défilés, il ne faut pas oublier. Oui, à partir de 13h, je crois. Hein. N'est-ce pas? 14h. Il y a des chansons aussi. Oui, il y a une chanteuse. Et il y a un show coiffure. Oui. Bon, Nancy va nous parler. Oui. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? On va la laisser parler. Non, non, simplement, il faut préciser voilà, les moments forts de la journée, donc les défilés de robes de soirée, présentés par Gérardine Mariage et BHF, les robes de mariée également. On a également un show de robes orientales et un show coiffure par un coiffeur partenaire également qu'on a rencontré lors d'un premier salon du mariage à Montségur sur l'Oiseau. Voilà. Et une chanteuse qui vient animer. Et une chanteuse qui anime également entre les Bruno, défilés. On fait une pause et on repartira sur vos intervenants, vos stands, etc. À tout à l'heure. In the sun's peace of mind, I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much, but it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. Easy to say, we have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignored them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. FM 89.9 avec Claudie et tous nos invités. Donc on est en train de parler de ce salon du mariage qui est, je pense, le premier. Il y a des particularités. Qui veut m'en parler? Oui, c'est la particularité. Allez. C'était à l'origine, c'était le salon organisé uniquement pour des micro-entrepreneurs. C'était pour leur donner un tremplin, en fait, pour qu'ils aient la joie grâce à ça de se faire connaître. Après, c'est à rajouter des associations. Et comme nous n'avions pas assez de monde pour remplir la salle, nous avons eu quelques professionnels. Mais la majorité est quand même des micro-entrepreneurs et associations. Donc ça, c'est très bien, par contre. Ça permet de lancer, c'était de pour faire ça, connaître... Ouais. Des gens qui venaient juste de créer leur société. Et pour citer un peu des exemples, vous avez vraiment donné des noms. Qu'est-ce qu'il y a comme entrepreneur dans ce salon? Alors, des créateurs de bijoux. Oui. Des vendeurs de bijoux. Les dragées. Ah, oui, ça, c'est pour les gourmands. C'est pas un micro-entrepreneur. Ça, c'est pour le mariage, les dragées. Oui, c'est tout pour le mariage. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Nano Events, Nancy, qui est welding planner. Voilà. Après, il y a des loueurs de housses de chaises. Oui. Ah oui, c'est vrai, oui, si vous voulez décorer votre... Voilà. Donc, il y a beaucoup de décorations. Des décoratrices de salles, des décoratrices de tables. Il y a des traiteurs? Un traiteur, qui est micro-entrepreneur aussi. Ah, c'est bien. Et... Un photographe. Oui. Il y a des fleurs. Les limousines. Une fleuriste, bon, mais ça, c'est pas un micro-entrepreneur. Oui, les limousines. Donc, en professionnel, il y a donc deux grosses structures de location de voitures. Donc, trois. Donc, les Mustangs. Limousines Avignon Luxury et il y a Hakim Mercedes. Continue. Voilà. Il y a Hakim. Ensuite, donc, il y a une dans tuk-tuk la... aussi en un voiture. Tuk-tuk. Voilà. Il y a également un professionnel et je tiens à remercier cette personne qui, pour la première fois, va habiller les garçons. Donc, Alain Boutique. Bien sûr, il n'y a pas que les filles qui s'habillent pour leur mariage. Hein. Donc, ensuite, il y a bien sûr en association, micro-entreprise, Gérardine, en association BBHF Evan qui fait de la location de robes de soirée et robes de mariage. Et il y a des coiffeurs. Voilà. Des esthéticiennes. En professionnel de la coiffure, également deux gros salons. Muriel coiffe à Carpentras, il me semble. Oui. Un air de plume qui se situe à Pont-Saint-Esprit. On doit en citer cinq, donc... Salon les 3C. Coiffure Courtaison. Industrie Lille-sur-Sorgue, c'est ça. Est-ce que la salle est assez grande? Oui. Oui. Tout le monde rentre. Ouais, parce que bon, ça vous fait du monde. Hein. Ouais, ça fait vous n'avez pas Anglerie aussi? Non. Oui, si, une Anglerie Tendance, Stéphanie. Et comment vous avez fait pour trouver toutes ces personnes? Est-ce que j'ai envoyé des messages. Est-ce que vous avez aussi des sous-vêtements? Oui. On a de la lingerie. Le Moulin Rose. Oh, c'est joli comme nom. Oui, en fait, vous avez vraiment tous les partenaires qu'il faut avoir pour un mariage. Pour un mariage. Et les chaussures? Ça, on n'a pas. Et les gants? C'est difficile, ça, les chaussures. Les gants. Je viens de voir un panneau survolé. Oui, c'est ça. Par contre, on a aussi un professionnel qui s'appelle Cave Delis, qui va nous proposer aussi des petits chocolats. Bien. Peut-être des petits gâteaux. Enfin, il ne sait pas trop ce qu'il va apporter, mais il fait un peu de tout. Ah, alors, et on a une marraine aussi. On en parlera après. Voilà, là, on va faire la pause café, ni la pause chocolat, la pause champagne. D'accord. Par contre, on va essayer de donner tous les noms. Fly FM. Tout de suite. Une nouveauté Fly FM. New York, Barcelone ou Tokyo. Les mêmes gratte-ciels qui me regardent. Ma jeunesse qui s'enfuit avec mes rêves. La même tristesse dès que le soleil se lève. Paris, London ou Los Angeles. Où que jamais mes peurs me tiennent en laisse. Seule dans ma chambre j'ai perdu le sommeil. Et les lendemains ressemblent à la veille. Et je m'en vais. Je n'oublie pas d'où je viens, où j'ai grandi. puisqu'ici mes peurs me tiennent en laisse. Je pars, je pars. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9. Bonjour Josie. Oh, dis donc. Ah si, tu vas y avoir jusqu'au bout. Voilà, donc on était au salon du mariage, le premier qui va se dérouler à l'Oriole du Comtat, salle Maëlia, dimanche, de 10h à 18h30. Et nous avions oublié quelques participants. Gérardine, tu t'y colles. Okay. Alors je m'y colle. Donc pour répéter, je vais répéter tout le monde, comme ça on n'oubliera voilà, personne. Sinon, après, la guéguerre. Donc voilà, donc nous avons un coiffeur, un air de plume, de Pont Saint-Esprit, c'est ça? De Pont Saint-Esprit. Un gymnastique photographie, photographe. La cave et délices, qui propose donc vin, champagne, chocolat, sucreries, gâteaux, enfin plein de choses. Alain Boutique, vendeur de costumes pour hommes. La fleuriste de l'Oriole du Comtat qui se joint à nous, qui est le jardin des fées. Moi, bien sûr, qui vend des robes de mariée et des robes de soirée, oui. Ne n'oublions pas. Et aussi des accessoires. À Aubignan. Voilà, à Aubignan. Muriel Coiffe de Carpentras, coiffeuse, avec Institut de beauté des anges, esthéticienne, Carpentras. Ongle tendance Stéphanie, Sorgue, Anglerie. Fitness Extension qui va avec l'ongle tendance, ils se trouvent toutes les deux à Sorgue et qui elle propose extension de cheveux. Ensuite, robe orientale, Bouchard, Madame Bouchard qui fait des robes, comment ça s'appelle ? Négafa. Négafa, voilà. Ensuite, nous avons la lingerie fine qui est au moulin rose de Cavaillon. Mm-hmm. Un traiteur qui lui vient de Pertuis, mille merci. Ensuite, nous avons une créatrice de bijoux, Madame Zochetto Carina. Nous avons bien sûr BHF Event qui présente ses robes de soirée et de mariée. Et accessoires. Et accessoires. Mm-hmm. Nous avons donc Nancy, la Wedding Planner. Voilà, mais je vais poser Nancy la question. Qu'est-ce que c'est une Wedding Planner? Wedding hein? Planner. Dès qu'elle a fini, je te demande. Voilà. Ensuite, nous avons Audrey Dahir, maquilleuse. De Lille-sur-Sorgue, c'est ça? Ou de Carpentras? Elle est d'Avignon. D'Avignon, oui. Ben d'accord. Voilà, ça tranche. Coiffeur 3C de Courthézon. Sorel Langlais, qui est une vendeuse de bijoux fantasy. Ensuite, nous avons RZ de location, qui propose des housses pour chaises. Nous avons encore un coiffeur, qui est Institut Coiffe Industrie de Lille-sur-Sorgue. Nous avons un vendeur de dragées d'un jour de Velaine. Et enfin, capillaire, qui est Brice, un coiffeur de... D'où il est ? D'Avignon. Voilà, moi je voudrais demander... Voilà, je crois que nous avons cité voilà. Tout le monde. Si Wendy, je peux me permettre... Ah non, pardon, on en a oublié. Décoloris, décoratrice d'intérieur. Et Esca Mariage, décoratrice de table. Et enfin, le vendeur de vin, Terra Ventoux. D'accord, oui. Je connais. Et Wendy, qu'est-ce que c'est Wedding Planner? Alors, juste avant de vous expliquer, je voudrais quand même juste un oubli qui est important, c'est qu'il y aura de la restauration. Et le DJ, oui, on a, ben, après on oublie les gens de dehors. Et voilà. Vous aurez une chanteuse. On a, voilà. Et donc, ça, c'est la salle. Hein. C'est un food truck ouais. Qui vient spécialement pour nous du Var. D'accord. C'est Loup à toi. Et je les remercie vraiment parce que c'est très gentil de faire la route pour nous. Avec, ils proposent des pâtes fraîches. Voilà. D'accord. Voilà, voilà. Et oui, on oublie quand même. Bien sûr, le DJ, Jérémy, voilà. Remercier. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Toute la journée. Voilà, voilà, c'est très important. Et donc, et tous les loueurs de voitures qui, eux, seront situés sur le parking. Voilà, voilà. Tout à fait. Jérémy, quand même, voilà, pour redire, Jérémy se lance dans l'aventure et se propose de faire deux mix, puisque c'est lui qui a créé deux mix pour les défilés, qui va faire la musique de Gérardine et la musique de BHF Event. Et donc, tu m'expliques ce que c'est. Oui, et après, on parlera de l'heure du défilé. Vas-y. Très bien. Donc, Wedding Planner, donc c'est origine, c'est anglais, donc c'est organisation de mariage. Le but, en fait, est d'organiser le mariage de A à Z d'un couple de futurs mariés. L'idée, c'est vraiment de les conseiller, de les accompagner, de leur éviter le stress d'organisation. Voilà. Tu t'occupes de donc, tout. Je m'occupe de tout. Je recherche les prestataires, donc je les reçois une première fois. On détecte, enfin, on regarde tous les besoins nécessaires en termes de prestataires. La salle. Voilà, vraiment de la salle, du lieu de réception, jusque vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Le DJ, d'accord. Écoute, on va faire une pause et après on parlera du déroulement de la journée. Il n'y a pas de souci. Voilà, à tout à l'heure. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. Sur Fly FM 89.9 avec le salon du mariage qui se tient à Loriol le 13 novembre à partir de 10h jusqu'à 18h30 à la salle Le Maëlia qui se trouve entre le rond-point de Loriol et le rond-point de Monteux, côté Monteux Loriol. Voilà, sur votre droite. Ce salon donc débute le matin à 10h et vous pouvez nous raconter un peu le déroulement de ce salon? Tu vas, j'y vais. Bon, alors, si tu sais pas. Allez-y. Alors, à 13h45, nous avons l'ouverture du salon, qui sera ouvert donc par une chanteuse. 13h45 ou 10h? 10h ouvert au public. Et, et à 13h45, nous avons ouverture en fait du défilé. Ça sera voilà. Mieux. Des défilés. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc c'est ouvert par une chanteuse qui va faire des prestations. Et tout pendant sa prestation, il y aura la défilée des robes orientales. Et cette chanteuse, vous pouvez nous rappeler le nom ? Morgane Lafies. D'accord. Aubignan. Ok. À 14h, nous avons l'ouverture des robes de salon, de robes de mariée, non, soirée, pardon, de jardin de mariage. Suivi à 14h15 des robes de soirée de BH Event. Entre les deux, car il va y avoir un autre défilé après, nous avons un show coiffure de Julien Esclène, c'est ça ? Voilà. Après, je crois que c'est 15h, nous avons le premier défilé de robes de mariée de jardin de mariage. 15h30, le premier défilé de robes de mariée de BHF Event. Après, ensuite, ben, nous avons encore donc, une pause avec chansons. Et nous recommençons ensuite les défilés. D'accord. Exactement pareil, comme ça. Et à chaque fois, nous avons une pause chanson et un show coiffure. D'accord. Donc les gens peuvent venir ou en début de jour. Voilà, nous avons en fait deux défilés voilà. Exactement les mêmes. D'accord. Voilà. Et à la fin, nous avons un show final. Surprise ! Ah ! Un show final. C'est bien. On verra. D'avoir une surprise. On verra qu'est-ce qu'on fait. Et ça finit à 18h30. Voilà. En principe, tout va être fini à 18h, enfin plus ou moins. Et après, bon, ben, les gens, s'ils veulent rester jusqu'à 18h30, il n'y a pas de souci. Et les celles qui défilent Alors, celles qui défilent, miss... moi, ce ne sont que des bénévoles. Ah, c'est bien. Alors, tout le monde est. Enfin. Non, mais je veux dire, moi, c'est que des bénévoles non miss, non rien du tout. Voilà. Qui débutent en mannequinat, si on veut. Enfin, qui débutent dans les défilés. Donc, ils sont un peu stressés, bien sûr. Mais je vais quand même essayer de les citer si je me rappelle de toutes. Donc, nous avons Jade, Jessica, Stéphanie, Audrey, Cécile, Camille, Manon, Émilie. Et il m'en manque une. Ah, va pas être content. Il m'en manque une. C'était le piège. Hein. Je ne sais pas marquer. Bon, si vous en rappelez, on le dira avant la fin. Oui, parce que là, bon, voilà. À mon tour, donc chez BHF. Il faut préciser qu'elles sont toutes bénévoles et qu'ils sont tous bénévoles également et que ce sont des Miss et des Mister. C'est quoi, là ? Donc, nous avons en Miss Dame Élégance PACA. Nous avons Dame Élégance Côte d'Azur. Nous avons Miss Élégance PACA. Nous avons Planète France Provence. Nous avons Miss Occitanie, nous avons mis une candidate qui concourt au titre de Reine PACA et nous avons dans les garçons Mister Corse Élégance, Mister Provence, nous avons Mister Côte d'Azur et nous avons Mister Grand Élégance PACA. Nous avons également la chance d'avoir une marraine d'exception, puisque Miss Planète France 2016 accepte d'être marraine de l'événement. D'accord. Et toutes ces Miss sont un peu plus d'expérience que celle de Gérardine. Je suppose. D'expérience. Oui, parce que on fait plein de sorties. Maintenant, on précise que tout est bénévole et que elle se prête volontiers au jeu de défiler sur cette soirée. Ah oui, moi je tiens à préciser, j'ai quand même deux garçons quand même aussi. Ah bah si vous oubliez un peu les garçons. Ils ont choisi de s'y mettre. Ça n'a pas été facile pour eux, mais bon, ils ont accepté. Donc Nicolas et Aurélien. D'accord. Allez, on fait une pause. À tout à l'heure. Le meilleur des hits. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Oh, can't put out. Carve your name into those shining stars. He said go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, he said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights to never die. My father told me. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 et aujourd'hui nous avons un nouveau chroniqueur littéraire, c'est Alain qui va nous parler d'un livre qui s'appelle Les Disparus du phare de Peter May. Oui, bonjour. Donc aujourd'hui je vous propose un thriller écossais. Alors je vous fais le pitch. Un homme reprend connaissance sur une plage, il ne sait pas où il se trouve, ni même qui il est. Il semble uniquement perdu. Il se lève, s'éloigne du rivage et voit une vieille femme qui s'approche de lui. « Oh mon Dieu, Monsieur McLean, mais que diable vous est-il arrivé ?»« C'est donc ainsi que je me nomme, McLean. Elle me connaît ?» Une sensation de soulagement m'envahit momentanément, mais rien ne me revient. J'entends ma voix pour la première fois, faible et enrouée, presque inaudible, même pour moi. J'ai eu un accident avec le bateau. Les mots sont à peine sortis de ma bouche, que je me demande si j'ai bel et bien un bateau. Mais elle ne semble pas surprise. Mais bientôt, c'est lui qui va aller de surprise en surprise. Car le monsieur McLean, est-il vraiment monsieur McLean? Dans la maison qu'il loue à cette vieille femme, il ne trouvera rien de personnel. Juste ses vêtements, mais aucune pièce d'identité, aucune photo. Rien qui lui permet de savoir vraiment qui est monsieur McLean. Or, c'est un thriller époustouflant. Vous ne le lâchez pas. Si vous le commencez à 8 heures du soir, vous ne vous réveillez que le lendemain, oui, avec le bouquin à la main. Je crois que je vais le lire. Alain, tu peux nous redire le titre de ce livre? Alors, Les Disparus du phare, de Peter May, aux éditions du Rouergue. Ouais, bon. À noter, un petit détail, c'est un livre qui est sorti au mois de juin de cette année, et M. Peter May est français depuis le 19 avril de cette année. Ah, mais je ne savais pas. Voilà. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Parce que c'est un Britannique qui a écrit beaucoup de livres, surtout il s'est passé en Chine. C'est un livre donc à acheter et à lire. Oui. Avec délectation. Oui, Bruno. Est-ce qu'il va concourir à des prix ou pas, vous le savez? Non, pas du tout. Non, je pense qu'il n'en a pas besoin. Non. Il vit dans le Lot, là, tranquille, ça va. C'est vrai que les Anglais aiment bien le Sud-Ouest. Hein? Oui. Je crois que tu veux nous parler d'un film. C'est pas un film cette fois. Bizarrement, on parle. Merci Alain. Oui, merci Alain pour cette petite histoire qui a l'air. Enfin, qu'on a envie de lire, c'est vrai. Oui, donc c'est pas un film, c'est un documentaire sur les États-Unis, bizarrement, qui s'appelle Foot Coop, sorti le 2 novembre 2016, qui dure 1h37 et il est de Tom Booth. C'est en pleine crise économique, dans l'ombre de Wall Street, c'est réel, hein, puisque c'est un documentaire, ce sont des gens qui sont là. Et c'est une enquête. C'est pas une enquête, non. Non. C'est quelque chose qui s'est mis en place aux États-Unis et qui arrive maintenant en France. Alors bizarrement, il y a des critiques en disant qu'il a sorti ce documentaire au moment où il commence à ouvrir ça à Paris. Donc nous sommes en pleine crise économique. Nous sommes dans l'ombre de Wall Street à New York. Il y a une institution qui représente une autre tradition américaine, mais qui est moins connue à l'étranger et qui arrive. C'est en pleine croissance. C'est la coopérative alimentaire de Park Shop. C'est un supermarché autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois. donc comme des gens comme nous. C'est des bénévoles. On y va, on travaille, on a le droit. Et sur ce, en contrepartie, ils vont pouvoir acheter des produits alimentaires, pour la plupart biologiques, dans cette ville de New York, à un prix... compétitif. Compétitif. Donc c'est une réalisation qui est chouette, qui est pleine d'humour, avec des gens qui sont dedans, des vrais gens, où on montre un concept de supermarché collaboratif qui perdure depuis 1973. Et les gens, ils sont heureux de faire ça. Cette histoire-là, qui est à New York, arrive en France. Et donc, ça va s'ouvrir à Paris, sous un nom qui s'appelle La Louve, qui est sur le même concept. Et c'est aussi, ça est en train de monter sur Nantes, Bordeaux, Toulouse, et voilà. Et pas Marseille. Non, apparemment, non. Ouais, c'est sympa comme Et le documentaire se passe à New York, à Paris aussi ? Non, il se passe à New York. On voit le témoignage des fondateurs, des membres, où on les montre dans leur quotidien et dans ce magasin. Et voilà, et on parle donc de l'autogestion, que ça fonctionne bien, et ainsi de suite. Alors moi, je trouve que c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal parce que les gens, ils se rencontrent. Ouais. Ils donnent. Ceux qui ne peuvent pas, ils travaillent 3 heures et puis ils ont des prix dérisoires sur des produits bio. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Et en plus, c'est dans les villes, donc moi, je trouve que c'est pas mal. C'est peut-être des solutions pour l'avenir. Ça arrive. Oui. Est-ce que je vous parle d'une petite sortie je trouve que c'est Manu Bango qui va venir à Carpentras. C'est le vendredi, ce vendredi, à 20h30. Donc, c'est dans le cadre des passagers du Zing et les cadres des soirées d'automne. Attendez, je vous dis l'heure. Le tarif, c'est 6 euros. Ça vaut le coup. Bon, le concert, il est debout. Hein. Manu Bango. Oui. Il faut y aller. Ouais, il faut y aller. Voilà. Renseignement au 04 90 67 69 21. 04 90 67 69 21. Et je crois qu'on va faire une petite pause. Allez, après, on reprend. Fly FM. Vous êtes au cœur de 40 minutes de hit sans pub. Sans pub. Fly FM. Le meilleur des hits. Le meilleur des hits. Fly FM. De sourire dehors à Angoulême. Un chasse-plin Melchior. Paris s'échelle. Découvrir ton corps depuis la scène du sombre décor. Lucrèce et Rennes, on s'était dit des choses que l'on ne tiendra pas. Le temps que l'eau se pose sur nos ronds, ce lilas. Le soleil s'endort sur ses chelles, le sable et l'aurore. Fleur de sel, attends-moi, je sors de l'île aux cerfs. L'orage est de l'or pour se perdre. I need you so, oh, I won't let you go, oh, oh. I need you so, oh, I won't let you go. Oh, I need you so, oh, celui-là. Bonjour de nouveau pour Fly FM 89.9, le mariage. Après les mariages, on passe à autre chose, c'est les gestes qui sauvent. On a fait venir notre petit pompier, l'autre fois notre grand pompier, M. Chavada, qui nous a parlé de cette fameuse journée du 12 novembre. Si vous voulez encore vous inscrire, je ne sais pas s'il reste des places, sachez que vous pouvez aller donc vous inscrire sur le site de vaucluse.gouv.fr et vous avez pendant 2 heures une formation gratuite. On est aux gestes de secours, les premiers. Je me souviens qu'il nous avait dit, si vous venez sans inscription, on vous prendra. Voilà. Mais enfin, c'est quand même mieux, oui, parce qu'il y avait certaines casernes, je ne sais pas encore s'ils le faisaient, mais apparemment... À Monteux le font. À Sarrien maintenant, je crois qu'ils le font. À Monteux le font le matin et l'après-midi. Et c'est de 10h à midi et de 14h à 16h dans certains centres de secours, ils disaient. Oui. C'est le geste qui sauve, voilà. C'est les comportements qui sauvent, et par rapport à la suite aux attentats du 13 novembre de l'année dernière... Ils ont fait cette campagne, je trouve très bien. Mais c'est dommage, il faudrait que ça perdure. Hein, parce que... Oui, mais enfin, malheureusement, il suffit que des fois il y ait un grand coup pour que les gens ils bougent un peu. Mais ça voilà. Dure que sur une courte période, peut-être. Moi, je voulais vous dire que la ville de Monteux vous propose un événement dans le cadre de Soif de Culture et vous convie au théâtre avec Terre des Poilus. C'est ce dimanche, 13 novembre, à 15h, à la rue des Hortensias, donc c'est la salle du Château d'Eau. C'est par la compagnie du Trac. C'est la compagnie de Baume de Venise, avec Vincent Ciano, qui est le directeur. C'est le théâtre rural d'animation culturelle. Ils vont vous lire les lettres des soldats, les carnets des tranchées, ils vont vous faire des récits, lire des poèmes, des chansons, tout ce qui se passait à cette époque-là. Ça va nourrir le dialogue dramatique entre les hommes. C'est le dimanche 13 novembre à 15h. Voilà. Ben, dans l'histoire, il y a aussi Avignon. Si vous voulez, ces deux jours-là, le 11 et le 12, de 11h à 18h... je répète, je m'excuse. Ça attaque le 11 et le 12, ça commence à 11h et ça va... Et le 18 décembre aussi, vous l'avez à 15h. C'est l'histoire de la place du Palais des Papes. Pas le Palais des Papes, la place. Avec donc son histoire, depuis quand elle existe, son évolution à travers les siècles. Il faut savoir qu'il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une visite guidée d'une heure et demie au départ de la billetterie du Palais des Papes. Et vous pouvez donc avoir les informations et les réservations à l'office du tourisme. C'est un tarif plein à 9€ réduit pour les duos, c'est-à-dire donc 2 personnes, 15,50€. Pour les enfants de 8 à 11, c'est 5,50€. Et pour les moins de 8 ans, c'est gratuit. C'est pas nous. Moi, je vais vous parler des Amis de la Saint-Martin. Ça se passe à Ramon. Voilà, les Amis de la Saint-Martin vous attendent le 11 novembre pour fêter le 1700e anniversaire de la naissance de Saint-Martin. Cette association est heureuse d'offrir au public, toujours aussi nombreux, cette association qui est attendue et appréciée. C'est dès 11h du matin, vous aurez un défilé et qui ne manquera pas de réveiller vos sens. C'est un voyage gustatif, odorant, multicolore, et qui vous conduira sur les chemins de vos souvenirs à travers la belle Provence. Voilà, c'est toute la journée dans le village. Il y aura des tailleurs de pierre, des dentelières, maréchal Ferrand, potiers, photographes, expositions cartophiles et photographiques, voilà, jusqu'à la tombée de la nuit. C'est à Aramon dimanche. Non, c'est le 11, vendredi. Vendredi 11, puisque c'est férié. Et on va se faire une petite pause. Oui, Claudie. Fly FM, le meilleur des livres. Fly FM. Au cœur des années 90. Tout de suite, plongez au cœur de plus de 40 minutes de hits, sans pub. Un faux pas, un de trop. Faudrait pas tomber de haut. Je suis le mal que j'ai subi. Tu mets à mal ton alibi. Détruit tout ce que tu aimes. ici. Yeah. Ici bas Dinamo, mon combat Dinamo. Nous voilà dévoilés, faut tout laisser aller. Dam dali dam dali dam dali dadoudé. Ici bas Dinamo, mon combat Dinamo. Nous voilà dévoilés, où ça va tout ça est. Dam dali dam dali dam dali dadoudé. Ceux qui nous condamnent. Voilà, revenu sur Fly FM 89.9 avec l'émission Bric-à-brac à idées et le salon du mariage qui va se dérouler à l'Orient du Comtat. On va finir, peut-être tu vas dire une petite anecdote et après Bruno nous récapitulera cette belle journée qui va se dérouler le dimanche. Deux courtes alors. Vas-y. Vous avez donc la conférence des champions de Provence où on parle des toxiques, des champions toxiques comestibles, les confusions à éviter. C'est donc le 17 novembre à 18h. C'est 100 rue Pierre Bayle et c'est le musée Épicurium qui fait ça. Ah oui, d'accord. On était allé voir. Mmh, ouais. Donc c'est monsieur, Montfavé. Voilà, c'est Daniel Puravé qui est président de la société mycologique du Vaucluse. Ça dure une heure. Il aborde trois thèmes: réglementation de la cueillette, bonne pratique de ramassage et préparation, et un panorama des champignons toxiques et ceux qui sont à éviter. Voilà. Bon. Est-ce que tu as encore une petite sortie? Juste, sachez que vous avez ce week-end à Cavaillon. La foire. Je suis jamais allée. Moi non plus, Claudie. Mmh. Ça dure du 10 au 14 novembre. Il y a 460 stands. Vous avez donc tout ce qui touche l'activité agricole, commerciale, industrielle, culturelle. C'est aux mines de Cavaillon sur le thème Les Villes Jumelles. C'est ouvert de 9h à 19h. Il y a le parking qui est gratuit. Il y a des navettes pour les bus. Je crois. Et une animation musicale à 20h. Et puis c'est un avant-goût parce que nous on va se retrouver à la foire de Carpentras. Normalement, il n'y a pas de et problème. Tout se passe bien. Voilà, on a un stand et donc on aura le plaisir de vous accueillir. Voilà, oui, pendant 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Ça tombe dimanche cette année. Oui, ça va être. Il va y avoir normalement. Et je pense que Bruno, peut-être vous viendrez. Oui, on sera avec Miss Provence et Miss Carpentras. On fera un petit interview. Oui. Oui, voilà. Bon, Bruno. Est-ce que vous pouvez nous récapituler la journée de dimanche de ce fameux salon, premier salon du mariage? Alors, récapitulation est très simple. À 10h, on attend le public. 13h45, le premier défilé qui va s'enchaîner au minimum jusqu'à 18h. Et vous savez combien vous avez d'exposants? Oui, à peu près une quarantaine. Ah, c'est pas mal, hein? Toutes spécialités confondues. C'est bien ça, Nancy? Oui. C'est de la voiture au... De la voiture, à la restauration, à la décoration de salle, aux ventes de grandes enseignes, et de la location de robes, de matériel, de la photo, de la coiffure, de l'esthétique et du maquillage. Ainsi qu'à boire et à manger, puisqu'il y a un camion de truck. Un food truck, une cave et la musique par le DJ aussi, puisque et vous pouvez. Une chanteuse. Et une chanteuse. Et après, l'équipe et une. Il y a parking gratuit. Parking gratuit. L'entrée est gratuite. Oui, c'est important de le dire. Tout ce qu'il faut pour préparer un mariage, c'est son printemps et pour l'été, parce qu'il faut s'y prendre bien à l'avance. Tout à fait. Et le public, si la nouvelle structure pour laquelle je suis ambassadeur me donne l'autorisation, le public pourra faire un don. Pourra faire un don au refuge association pour laquelle je deviens nouvellement ambassadeur. Et je crois que on va vous recevoir en décembre. Oui, c'est ça. Voilà. Je tiens à vous remercier. Fin décembre. Avant le Père Noël. Voilà, avant le Père Noël. Le 21, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc on en reparlera mieux. Oui. Hein. Merci beaucoup. Bon. Donc, est-ce qu'on a le temps de faire une petite sortie? Alors, je vais vous faire une petite sortie insolite. Est-ce que vous connaissez le dolmen de Lubac à Goult? Non. Non. Moi non plus, je ne connaissais pas. Non, si. D'abord, il faut d'abord, on pense d'abord que c'est un petit tertre, là, tout humble, et on se demande pourquoi on le nomme dolmen. Ce n'est que lorsqu'on est devant que l'on s'aperçoit qu'on aperçoit une petite ouverture souterraine qui donne sur un couloir. Et dedans, il y a une grande pièce de grande dimension. C'est une nécropole. Hein. L'histoire de cette nécropole a commencé à moins 5300 ans avant Jésus-Christ. Ah ben, Coli, on n'était pas là. Hein. Oui, je crois. Non, ce lieu funéraire a été utilisé jusqu'en 2200 avant Jésus-Christ, avant que le temps n'efface sa trace aux yeux des hommes. Tu sais, le temps, ça... Hein. Et en 1994, à l'occasion d'une crue du Cavallon, donc c'est vers un Cavaillon, tout ça, ce site réapparaît. Magnifiquement conservé, il fait l'objet de fouilles qui révèlent que ce dolmen, c'est drôle hein, qu'il y ait un dolmen ici, hein, c'est construit sur l'emplacement d'une sépulture. Comme voilà. Quoi, les Celtes, hein, ils sont partout, ils sont même en Provence. Ben, bien sûr, mais tu sais, on est un mélange de tout, et puis c'est pas fini. Voilà, donc si vous voulez y aller, vous pouvez y aller à pied ou à vélo, par la véloroute du Calavon, au départ des Baumettes, en direction d'Apt. Pas les Baumettes à Marseille. Hein. Non, merci, je ne compte pas. Voilà, il se situe à environ 500 mètres après l'ancienne gare de Goult-Lumière. Voilà, okay. Donc si vous voulez faire une petite sortie bucolique, mais quand même instructive, vous allez là-bas. Ouais. Ok, merci Claudie pour ce petit truc que je ne connaissais pas. Voilà, moi j'aime bien chercher des choses que personne ne connaît. Voilà, sinon, la semaine prochaine, nous recevons Monsieur Ronze, ça s'écrit R-O-N-Z-E, qui va nous parler du Chevalier de Londres. C'est une... Voilà, des gens qui sont bénévoles pour nettoyer les rivières, mais ils font plein de choses. Ça va être super intéressant. Ah oui, vous allez sur le site, qui est très bien fait, qui est très complet, mais ils s'occupent des gamins en difficulté. Ils sont où? Ils sont à... Je ne sais plus s'ils sont au Thor, je ne sais plus, mais dans le coin. Le monsieur habite à Velleron, et même ils ont des antennes à Monteux. Bon, donc, rediffusion vendredi 14h. Ah, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire, Bruno? On tient à remercier, on a oublié quand même qu'on a été reçu dans une radio avec laquelle vous collaborez, la radio Osmose. Donc, je tiens à les remercier et à vous remercier puisque ce sont vos partenaires aussi. Bien sûr. Bon, au revoir Bruno, au revoir Nancy. Au revoir. Merci pour ce début. Au revoir Josie. Merci. Merci à Gilles. Oui, tiens. Merci beaucoup. Au revoir.